La loi de sécurité globale a crispé le débat public autour de son article 24 qui restreint très fortement la possibilité de filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ce débat autour de l'article 24 a éclipsé d'autres parties de la proposition de loi, notamment les articles 20, 21 ou 22 qui portent notamment sur la reconnaissance faciale ou l'usage des drones. Avec le retour de cette sempiternelle question, est-ce que c'est parce que la technologie permet un usage que cet usage doit être permis? Où en est-on exactement des technologies de surveillance en France et l'actuelle crise sanitaire sert-elle de cheval de Troie au gouvernement? Sécurité globale, aux drones, etc. C'est le programme sécuritaire donc qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces problématiques de surveillance en temps de pandémie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Tesquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, spécialiste des questions numériques, auteur de « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance » aux éditions Premier Parallèle, et Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS. Mais avant de vous retrouver, on commence par surveiller de façon très invasive et très assumée l'actualité des sciences et de la recherche avec Natacha Triou dans le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, une étude parue hier dans Cell Metabolism qui décrit un nouveau procédé qui pourrait améliorer les thérapies anticancéreuses. Une équipe franco-américaine a déposé un brevet pour cette nouvelle technique qui perfectionne les immunothérapies. Alors, l'immunothérapie est une approche thérapeutique qui, au lieu de s'attaquer directement à la tumeur, va plutôt aider le système immunitaire à reconnaître les cellules tumorales et à les détruire. Ce sont des thérapies prometteuses, mais pour le moment, elles restent limitées et ne sont efficaces que chez un tiers des patients. L'un des problèmes rencontrés, c'est que la tumeur peut priver les cellules immunitaires de leur source d'énergie, ce qui diminue ainsi l'efficacité des traitements. Les chercheurs ont donc développé une méthode pour mesurer l'état énergétique de chaque type de cellule présente dans la tumeur. C'est une méthode qui a été baptisée Zénith. Pour repérer l'état énergétique des cellules, le Zénith analyse le niveau de synthèse des protéines, un processus très énergivore. Les échantillons prélevés par biopsie sont analysés dans un cytomètre de flux. Cela permettra d'identifier les besoins spécifiques des cellules immunitaires et donc de proposer des traitements plus personnalisés. Voilà, et pour tout comprendre à ces progrès, vous pouvez retrouver l'étude publiée dans la revue Cell Metabolism sur notre fil Twitter, @laméthodefc, et ainsi que sur notre page sur le site de franceculture.fr. Et on passe au bref. Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer BioNTech vient d'être approuvé par l'Angleterre. Et des produits de santé a donné son feu vert. L'Angleterre devient donc le premier pays au monde à autoriser ce vaccin. Pourtant, les résultats complets des essais n'ont pas encore été rendus publics. Une campagne de vaccination sera lancée dès la semaine prochaine avec 100 000 doses, prévues tout d'abord pour les personnes âgées et pour le personnel soignant. Des hôpitaux et des centres de santé s'organisent avec l'aide de l'armée. Il faudra aussi trouver des solutions de stockage. Le vaccin Pfizer-BioNTech ne se conserve qu'à moins 70 degrés. Et en Europe, l'Allemagne se prépare à commencer une vaccination d'ici la mi-décembre. Alunissage réussi pour la sonde chinoise Chang'e 5. Et après son lancement mardi dernier, Chang'e 5 a aluni hier dans l'après-midi. Ces 2-3 prochains jours, l'atterrisseur va forer plusieurs carottes, dont une à 2 mètres de profondeur, avec l'objectif de collecter environ 2 kilos de roches lunaires pour ensuite les rapporter sur Terre. Situé dans une zone jamais explorée, l'océan des tempêtes, dans l'ouest de la face visible de la Lune, Chang'e 5 va ramener des échantillons beaucoup plus jeunes que ceux rapportés par les dernières missions soviétiques et américaines. Son retour est prévu pour la mi-décembre. Et enfin, le célèbre radiotélescope d'Arecibo s'est soudainement effondré. Et la disparition brutale d'un des plus grands télescopes du monde. En août et en novembre, deux câbles de soutien s'étaient rompus et avaient laissé cette immense structure instable et dangereuse. La Fondation nationale des sciences américaines avait renoncé à des travaux de réparation et avait annoncé il y a deux semaines son futur démantèlement. On craignait de voir l'Arecibo s'effondrer à chaque instant. C'est chose faite, la plateforme de l'observatoire s'est écroulée hier. Sur Twitter, la communauté scientifique mondiale pleure cette grande perte pour l'astronomie. Voilà, et pour vous dire que mardi, dans 15 jours, nous consacrerons une émission entière à ce télescope d'Arecibo et à ses 57 années de service. Natacha, merci beaucoup. On vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. La proposition de loi sur la sécurité globale votée à l'Assemblée nationale a fait couler beaucoup d'encre et a conduit également beaucoup de personnes dans la rue pour s'y opposer. Mais s'il est vrai que l'article 24, qui restreint la possibilité de filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, a polarisé les débats, d'autres articles du texte de loi peuvent être source d'interrogations, notamment quant à l'emploi et à la généralisation de diverses technologies de surveillance, comme la reconnaissance faciale, l'usage de drones ou les caméras embarquer. Alors comment déployer ces technologies? Est-il possible de le faire tout en garantissant aux citoyennes et aux citoyens surveillés le respect de leur intimité, de leur vie privée? C'est une question complexe. Écoutez ce qu'en disait le journaliste Benoît Galeret le 17 novembre dernier sur BFM. L'article 21, c'est la reconnaissance faciale, et l'article 22 sur les drones. La députée Paola Forteza, qui a quitté En Marche l'année dernière, rappelle qu'afin que ces drones ne deviennent pas un instrument de surveillance généralisée, leur usage doit être strictement encadré, uniquement en soutien à des interventions au sol. Il faudrait qu'un magistrat l'ait autorisé, et interdiction de filmer les espaces privés, comprenez votre jardin. Sur la reconnaissance faciale, là, elle demande carrément un moratoire, le temps qu'on puisse en débattre entre citoyens, qui est une convention. Le problème, résume Olivier Tesquet de Télérama, c'est qu'en fait, on souhaite d'un côté anonymiser complètement les forces de l'ordre et de l'autre imposer à tous les citoyens une identification faciale permanente. Alors on comprend, hein, toujours en ligne, en lisant les tracts des syndicats de police, qu'être exposé comme ils le sont sur les réseaux sociaux, c'est un stress quotidien, c'est une pression qui est très compliquée. Alliance trouve même que le texte ne va pas assez loin. Unité CGP Police martèle que le citoyen français qui se déplace dans la sphère publique sans commettre de délit ou de crime, lui, il n'a pas à avoir peur d'une caméra de surveillance, d'un drone ou de la police municipale. Isabelle leur répond, pour terminer, likée plus de 2000 fois, elle, que le policier français qui se déplace chaque jour dans la sphère publique sans commettre de délit ou de crime, lui non plus, n'a pas à avoir peur d'une caméra ou d'une photo. Voilà, Olivier Tesquet, vous êtes cité comme référence par Benoît Galeret sur BFM. Une réaction, effectivement, vous avez le sentiment, peut-être l'un et l'autre, Jean-Gabriel Ganassia, Olivier Tesquet, que cet article 24 a complètement éclipsé tout ce qui touche justement à la surveillance et aux technologies de surveillance de la population. Olivier Tesquet. En fait, le problème, c'est qu'on a regardé l'article 24 un peu par le petit bout de la lorgnette, alors que cet article 24, il faut justement le mettre en regard avec les autres articles, notamment le 21 et le 22, hein, pour la discussion qui nous intéresse. Parce que le 24, comme je le disais effectivement dans le petit passage qui était cité, empêcherait quand même considérablement, entraverait la capacité de documenter l'action de la police, là où les articles 21 et 22, donc relatifs respectivement aux caméras piétons et aux drones, permettraient à la police de voir un peu partout tout le temps et de faire disparaître dans l'espace public urbain la moindre notion d'angle mort, on va dire. Mmh. Jean-Gabriel Ganassia, votre sentiment à ce propos? Oui, enfin, je pense qu'il y a vraiment une cristallisation sur l'article 24 qui, en plus, c'est un tout petit peu compliqué puisque il y a plusieurs sous-articles, et l'un de ces sous-articles, effectivement, interdit de diffuser des photographies d'images ou des éléments qui permettent de reconnaître les forces de l'ordre afin que il n'y ait pas de chasse à l'homme, il n'y ait pas d'appel à la violence, mais en même temps il n'est pas interdit de prendre des photographies des forces de l'ordre, hein, et à condition de les donner à des magistrats, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'il y a eu effectivement une cristallisation sur cet article dont on comprend un peu, hein, la nécessité, même si il pourrait poser problème. En tout cas, il faut l'encadrer de façon très très clair, mais c'est vrai qu'il y a d'autres articles, effectivement, sur les drones qui, eux, sont assez désagréables, hein, parce que si on lit les articles qui sont sur ce sujet-là, on voit que on pourrait avoir des drones à peu près à tout moment, hein, et comme ça a été dit tout à l'heure, hein, Voltaire disait que cultivez votre jardin, mais là, on pourrait même plus cultiver son jardin tout seul, parce que il se peut qu'on ait un drone sur la tête qui vienne voir exactement ce que vous faites chez vous. Alors, on ne dit pas tout à fait chez nous. Hein. Normalement, les drones, on ne peut pas prendre d'image sur le pas de sa porte ou à l'intérieur. Mais dans le jardin, rien ne dit qu'on ne puisse pas prendre d'image. Et ça, c'est vraiment un tout petit peu inquiétant. On va discuter point par point, justement, de ces diverses technologies de surveillance et des points qui peuvent poser questions, interrogations ou problèmes. Vous disiez, Olivier Tesquet, d'une certaine manière, sur cette proposition de loi, qu'elle octroie aux policiers le droit de filmer, elle le retire aux citoyens. C'est un peu caricatural, mais c'est quand même, à votre avis, l'esprit de ce texte? C'est peut-être un peu caricatural, mais c'est aussi le ressenti que j'ai en lisant les différents articles de ce texte, et qui vise à encadrer des pratiques qui, dans les faits, existent déjà, soit parce qu'elles sont expérimentales, soit parce que le droit n'est pas encore venu border leur utilisation, et répondre à des demandes et à des doléances des syndicats de police, que ce soit sur l'article 24 ou que ce soit sur les autres, d'ailleurs. Est-ce qu'il est vrai, Olivier Tesquet, que j'ai découvert ça en préparant cette émission, que ce texte de loi sécurité globale devait être à l'origine une simple traduction législative d'un rapport parlementaire consacré au continuum de la sécurité, et notamment entre les diverses forces de l'ordre, et avec un gros paquet autour des pouvoirs de la police municipale, mais que, de facto, le ministère de l'Intérieur s'en est saisi pour en faire le texte qu'il est devenu aujourd'hui? Il y a un peu d'hypocrisie autour de ce texte, parce qu'effectivement, on nous répète que c'est une proposition de loi, donc d'initiative parlementaire. Oui. On voit bien depuis le début du débat qu'il y a autour de la loi sécurité, qu'il est très largement porté par le ministère, ce qui donne effectivement cette impression de pochette surprise sécuritaire, dans laquelle on a à la fois l'article 24 qui cristallise le rejet et les questions, mais aussi toutes ces autres mesures, parce que là on s'intéresse uniquement à la dimension technologique, j'ai envie de dire, du texte, mais il y a tout un tas d'autres dispositions qui couvrent des champs extrêmement larges sur les pouvoirs de la police municipale, l'inclusion des gardes champêtres. Enfin, vraiment, c'est très très panoramique, on va dire, comme texte. Et effectivement, ça pose une question dans l'élaboration, et d'autant plus que, puisque c'est une proposition de loi, contrairement à un projet de loi, ça n'a pas fait l'objet d'une étude d'impact, ça n'a pas été soumis au Conseil d'État, ce qui explique aussi peut-être la raison pour laquelle on a parfois l'impression que c'est pas très très bien rédigé, ou que, en tout cas, les finalités sont pas extrêmement claires. On rappelle qu'une proposition de loi émane effectivement d'un parlementaire ou d'une parlementaire, alors que les projets de loi, eux, viennent du gouvernement, et qu'il y a eu une vraie différence, et peut-être effectivement on va peut-être pas utiliser le mot hypocrisie, mais en tout cas un biais de ce côté-là, puisque le texte est manifestement porté par le gouvernement, alors que d'habitude les propositions de loi ont moins de chances d'aboutir et qu'elles sont portées par les députés. Vous voulez rajouter quelque chose à cela, Olivier Tesquet? Non, je pense qu'effectivement c'est la réalité. Moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ce débat-là, c'est la manière dont ce texte vient entériner un glissement technosécuritaire, on va dire, qui est à l'œuvre déjà depuis de longues années, et qui aboutit de cette manière-là, avec le passage, la transcription dans le droit de pratiques qui, encore une fois, existent déjà. Et ça me semble être un point sur lequel il est important d'insister, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'émission. C'est exactement l'ambition de nos débats du jour, de poser la question, encore une fois, des technologies qui sont prévues dans ce texte de loi, de savoir ce que sont également exactement ces technologies, en quoi elles permettent et quel type de surveillance elles permettent, et pourquoi, eh bien, à certains endroits, cela peut être problématique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de cette proposition de loi sur la sécurité globale, et plus généralement, en fait, de la surveillance qu'elle implique de la population, avec quel biais technologique. Nous en parlons avec Olivier Tesquet et Jean-Gabriel Ganassia. Alors peut-être justement posons cette question de manière un peu large. Concrètement, en quoi ce texte sur la sécurité globale renforce la surveillance de la population, Olivier Tesquet? Alors, on parlait, effectivement, si on prend article par article, dans l'ordre dans lequel les articles sont rédigés, l'article 21, qui concerne les caméras piétons. Alors les caméras piétons, c'est ces caméras que portent les policiers sur leur uniforme et qui filment en intervention. Alors de l'avis assez unanime, les caméras piétons vont permettre mécaniquement de faire baisser les violences policières parce que ça permettrait justement d'avoir, on va dire, la vision des événements du début à la fin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les caméras piétons qui sont expérimentées par les polices municipales ne tournent pas en permanence et sont déclenchées au bon vouloir des fonctionnaires de police. Donc on se rend bien compte qu'il y a une forme d'arbitraire dans la manière dont ces vidéos sont tournées. Et puis, ça peut compliquer aussi l'accès à ces vidéos dans le cas de violences policières avec, par exemple, des parties civiles qui souhaiteraient accéder à ces images. Il y a un vrai enjeu autour du stockage et de l'exploitation de ces images extraites des caméras piétons, sachant que le texte prévoit la transmission en temps réel de ces images-là à un centre de commandement avec, y compris pour finalité, d'informer le public sur les circonstances d'une intervention. Donc on voit bien qu'il y a une vraie volonté de maîtriser quelque part le discours médiatique et les images de telle ou telle intervention de police. Alors il y a beaucoup de choses, vous interromps Olivier Tesquet, parce que là d'un seul coup il y a beaucoup d'informations et j'aimerais qu'on les prenne les unes après les autres, parce que la diffusion et la retransmission en direct des images filmées par les caméras piétons ou par les caméras véhicules, c'est une chose, et il y a ces caméras piétons, vous l'avez dit, et j'aimerais votre avis à tous les deux là-dessus, parce que les caméras piétons, le gouvernement Valls avait voulu les instituer, on entend depuis très longtemps les associations de défense des victimes dire elles sont nécessaires parce que eh bien ça permet aux policiers d'être filmés et de filmer leurs interventions, donc d'éviter les débordements. On sait qu'elles sont très répandues, notamment aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Pourquoi est-ce que d'un seul coup ça devient un problème en France, ces caméras piétons? Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, pour commencer. Oui, moi je ne suis pas certain que ce soit un problème. Le texte de loi, comme il a été dit tout à l'heure, a plusieurs volets. Et on ne va pas revenir sur tous les volets. Il y a des volets en particulier sur la police municipale qui sont importants. Il y a des volets sur l'organisation, etc. Mais ce qui nous importe ici, ce sont les aspects technologiques. Et effectivement, les techniques de surveillance existent depuis longtemps. Simplement, le coût de ces techniques a considérablement diminué. Les capacités de stockage et de traitement font que aujourd'hui, on peut enregistrer une somme énorme d'informations et ensuite l'utiliser pour essayer de vérifier ce qui peut l'être. Alors, ça doit faire écho, je crois, à un autre concept, cette notion de surveillance que j'avais développée il y a une dizaine d'années, qui est le concept de sous-veillance. Aujourd'hui, les technologies de l'information sont tellement répandues que n'importe qui peut prendre des images à n'importe quel moment. Et donc, effectivement, s'il y a des forces de l'ordre qui commettent un certain nombre d'exactions, eh bien, on peut prendre cela et le diffuser sur les sites. On a vu ces dernières années énormément d'exemples de ce type-là. Et bien sûr, pour faire contrepoids à cela, il a été suggéré, il y a déjà quelques années, que les forces de l'ordre pouvaient elles-mêmes prendre des images. Et de cela, bien sûr, il n'y a rien à regretter si c'est bien encadré et si on s'assure que ces images ne sont pas tronquées, qu'il y a une exhaustivité de l'enregistrement des images, parce que ça nous permet de mieux comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles s'est déroulée une intervention. Alors là, la question, bien sûr, après, qui peut se poser aujourd'hui à la lecture du texte de loi, c'est que on n'est pas certain, effectivement, que toutes les garanties soient prises pour que on dispose de l'exhaustivité de ces informations. Mais sur le principe, moi, je ne suis pas certain que ce soit choquant. Je crois même que c'est la seule façon aujourd'hui, dans le contexte actuel, de comprendre vraiment le contexte de différentes interventions. Donc, je ne pense pas que ce soit cela qui pose problème dans le texte. Moi, j'aurais plutôt... Il y a d'autres aspects qui me semblent beaucoup plus déplaisants qui sont liés l'usage abusif des drones. Olivier Tesquet, sur ces caméras piétons, une fois de plus, a priori, personne n'en réfute l'utilité et même les quelques études dont on dispose, et on sait que ce sont des systèmes qui sont en général relativement peu évalués, mais les quelques études dont on dispose, notamment outre-Atlantique, montrent que effectivement l'instauration des caméras piétons a tendance à faire baisser le nombre de comportements ou la quantité de comportements abusifs de la part des forces de l'ordre. Donc, quel est votre commentaire à ce propos? Alors, effectivement, on note notamment une baisse dans le nombre de plaintes enregistrées pour des comportements policiers, parce qu'on peut estimer qu'à partir du moment où un policier est filmé dans l'exercice de ses fonctions, il est peut-être plus courtois ou il fait un peu plus attention à la déontologie que s'il n'était pas filmé. Mais comme on le pointait, comme le rappelait Jean-Gabriel Ganassia, aujourd'hui, la loi prévoit que cette utilisation des caméras piétons n'est pas permanente. Alors j'entendais Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lors de son audition devant la commission des lois en début de semaine, qui émettait l'idée selon laquelle la caméra piéton pourrait se déclencher automatiquement dès qu'une arme est sortie. C'est-à-dire que par exemple, dès qu'un CRS en maintien de l'ordre dégaine un LBD, un lanceur de balles de défense, ces fameuses armes à létalité réduite, comme on dit, qui ont éborgné quand même un certain nombre de personnes pendant les manifestations de Gilets jaunes, et bien à ce moment-là, une caméra pourrait se déclencher automatiquement. Mais pour l'instant, ça reste un vœu pieux dans la mesure où la loi ne le prévoit pas. Et donc, il faudrait peut-être, effectivement, dire un peu plus clairement quelle devrait être l'amplitude des mouvements et des opérations qui sont filmées par ces caméras. Et je voudrais juste ajouter peut-être un tout petit point, parce que ça me semble important quand on parle des questions de surveillance. C'est la nature des acteurs qui s'intéressent à ces marchés-là. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup à l'économie de la surveillance dans la manière dont des entreprises se positionnent sur un certain nombre de marchés, parce que je trouve ça assez révélateur, on va dire, de la société vers laquelle on va. Aujourd'hui, vous avez le ministère de l'Intérieur qui vient de lancer un appel d'offres pour acheter de nouvelles caméras piétons, parce qu'il faut préciser que les caméras qui équipent aujourd'hui la police en France sont notoirement inefficaces. Si vous en parlez avec des policiers, ils vous disent eux-mêmes que ça marche pas 9 fois sur 10. Elles sont de très mauvaise qualité. Un appel d'offres a été lancé pour équiper en dizaines de milliers de caméras la police dans les 2-3 années qui viennent. Aujourd'hui, vous avez deux entreprises qui sont un peu leaders sur le marché et qui jouent des coudes pour essayer de remporter cet appel d'offres. Vous avez d'un côté une société chinoise qui s'appelle Hikvision et vous avez une société américaine qui s'appelle Axon. Hikvision donc est une société chinoise qui aide les autorités à Pékin à surveiller les Ouïghours, cette minorité musulmane qui est probablement la population la plus surveillée technologiquement au monde au Xinjiang. Et Axon, de l'autre côté, est une entreprise qui, avant de faire des caméras piétons, faisait cette petite chose qu'on connaît un petit peu sous nos latitudes, qu'on appelle le taser, et qui a décidé de réorienter son activité après un certain nombre d'incidents mortels, et qui désormais vend des caméras piétons et le logiciel de traitement des images qui va avec et qui permet aux policiers d'accéder à cette espèce de base de données de preuves potentielles. Et je pense que la nature de ces sociétés devrait peut-être aussi nous interpeller dans la manière dont on mène le débat sur cette question-là. Mais ça soulève quelque chose d'intéressant, Olivier Tesquet, c'est le devenir de ces images de surveillance extraites des caméras piétons ou des caméras également sur les véhicules, on parlera des drones tout à l'heure. Jusqu'à présent, ces images ne servent finalement que comme archives consultables uniquement a posteriori. Et se pose la question dans ce texte de loi de pouvoir avoir accès en direct à ces images et donc finalement de pouvoir avoir accès immédiatement à des logiciels de reconnaissance faciale, est-ce que j'ai bien compris ? Alors sur la reconnaissance faciale, c'est très intéressant parce que le texte ne parle pas explicitement de cette reconnaissance faciale. D'ailleurs, il y a plusieurs amendements qui ont été déposés en commission ou en séance pour encadrer la reconnaissance faciale, c'est-à-dire décider, en fait, positionner le législateur, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, si on est contre, dans quelles conditions, pour quels usages, comme l'ont fait un certain nombre d'autres pays. On a eu l'exemple un peu médiatisé de villes américaines qui ont décidé d'interdire la reconnaissance faciale à des fins policières. C'est le cas de Portland, c'est le cas de Oakland, c'est le cas de San Francisco, pour prendre peut-être un exemple plus connu. Et à chaque fois, les rapporteurs du texte ont insisté sur le fait que cette loi sécurité était déjà très complexe et que la question de la reconnaissance faciale, il faudrait y revenir un peu plus tard. Mais ce faisant, le texte n'interdit pas l'utilisation de la reconnaissance faciale et les amendements qui ont été proposés pour justement interdire par exemple la reconnaissance faciale embarquée dans des drones, et bien tous ces amendements-là ont été méthodiquement rejetés. Et alors là, je mets la proposition de loi sécurité en regard avec une autre production qui, celle-là, émane directement du ministère de l'Intérieur, qui est le livre blanc de la sécurité qui vient d'être publié. Et ce livre blanc de la sécurité, il dit quoi ? Il dit « il faut expérimenter la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public ». Et ces technologies devront avoir été déjà éprouvées pour les Jeux Olympiques, notamment de 2024. Ce qui nous laisse du coup une fenêtre de tir extrêmement réduite, parce qu'on est déjà fin 2020. Si ces technologies doivent avoir été éprouvées, et donc expérimentées, testées, leur trouver un encadrement éthique, juridique, technique, philosophique, il nous reste trois petites années, on va dire, deux même probablement, pour légiférer sur une question aussi épineuse que la reconnaissance faciale. Et le fait que le débat se fasse à marche un peu forcée, là aussi soulève quand même, je trouve, un certain nombre de questionnements. Je croyais même qu'il fallait que ce soit testé et éprouvé avant la Coupe du Monde de rugby en 2023, donc un an avant, non ? C'est ça, et en fait, ouais. Devront avoir été éprouvés pour les Jeux Olympiques de 2024 et avec notamment la perspective de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui, si j'ai bien compris, permettra d'être un galop d'essai, on va dire, par rapport aux JO qui sont évidemment un événement d'amplitude un peu plus grande. Mais alors, du coup, Jean-Gabriel Ganassia, quel est le problème en fait ? J'aimerais qu'on lit un peu ces deux histoires que sont l'accès direct au flux vidéo et la reconnaissance faciale. Finalement, comme on peut l'entendre, comme on l'a entendu d'ailleurs dans le petit extrait de BFM diffusé tout à l'heure, quel est le problème que ces outils de captation des flux de population, du réel, utilisent en direct des logiciels de reconnaissance faciale, puisque, comme on le dit facilement, si je suis un citoyen qui n'a rien à se reprocher, je n'ai rien à craindre de la technologie. Oui, je crois qu'il faut distinguer trois plans. Le premier, c'est celui des capteurs, des caméras, hein, qui sont embarqués, alors soit sur les policiers, soit dans la population d'ailleurs, hein, soit sur des drones. Le deuxième plan, c'est celui du stockage, parce que ces dispositifs vont enregistrer des heures et des heures, hein, de films, et il faudra les mettre quelque part, il faudra se demander pendant combien de temps ils vont être conservés, quelle utilisation en sera faite, hein, et ça, ça peut, comme on l'a dit tout à l'heure, être très utile, hein, pour faire une enquête précise, hein, mais ça peut bien sûr aussi être utilisé contre les individus en disant, ben voilà, vous étiez à tel endroit à tel moment. Et puis il y a un troisième plan, qui est, alors là, de l'ordre du logiciel, c'est est-ce qu'on peut reconnaître le visage d'un individu pour savoir où est-ce qu'il est ? Et à ce moment-là, bien sûr, on pourrait imaginer que vous ayez dans la rue des caméras de surveillance qui vous enregistrent et qui sachent que vous avez été prendre un café à telle heure, à tel endroit, avec telle personne, ce qui serait vraiment une intrusion extrêmement forte dans la vie privée. Alors aujourd'hui, bien sûr, on n'en est pas encore là, d'abord parce que techniquement, ça n'est pas aussi simple que cela, hein, et en particulier reconnaître les visages dans la foule comme ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Et puis, deuxième raison pour laquelle c'est problématique, c'est que pour pouvoir faire de la reconnaissance faciale, il faut disposer d'un certain nombre de photos individuelles. Bon, on dispose éventuellement des fichiers S, hein, donc on serait capable de reconnaître quelques individus, encore qu'ils n'y soient pas aujourd'hui prévu, et je pense que ce n'est même pas légal, hein, de pouvoir les transmettre à des compagnies privées. Et puis pour le reste des citoyens, on a bien la photo d'identité, mais elle n'est pas de qualité suffisante pour permettre de la reconnaissance faciale. Donc vous voyez, on est pour l'instant dans une situation, hein, qui est encore très éloignée, hein, de cette utilisation. Mais c'est vrai qu'il faut demander qu'est-ce qu'on veut faire avec ces différentes technologies. Hein. Comme vous l'avez dit au départ, hein, on a des technologies qui peuvent être extrêmement intrusives et qui, dans certains pays, sont utilisées d'une façon que nous trouvons extrêmement choquante. On sait par exemple qu'en Chine, il y a un certain nombre de villes qui utilisent la reconnaissance faciale pour suivre tous les agissements des citoyens dans la rue et pour établir un crédit, hein, une espèce de score social de bon comportement ou de mauvais comportement, ce qui a des effets extrêmement délétères, en particulier les personnes, hein, qui ont un très bas score, hein, ne peuvent plus voyager, lorsqu'elles téléphonent, hein, la sonnerie, hein, a une certaine tonalité qui indique, hein, que ce sont des gens avec un comportement répréhensible, etc. Et donc ça en fait des sous-citoyens. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut absolument refuser. Donc il est bon, effectivement, de regarder, hein, les textes de loi tels qu'ils apparaissent pour éviter, hein, qu'il y ait des utilisations abusives aussi. Bien sûr. Mais enfin, dans le texte qui nous intéresse ici, hein, on n'en est pas là. Hein, on parle choses très précises hein, qui sont relatives à l'utilisation qui va être faite de toutes ces technologies dans l'espace public hein, et en particulier lors des échanges avec les sécurités, les forces de l'ordre hein, pour assurer la sécurité. Alors il y a un certain nombre de choses hein, qui pourrait être discuté hein, à condition hein, que hein, on encadre de façon extrêmement précise l'utilisation de ce qui est employé. On a parlé des drones tout à l'heure. Hein. Alors on nous dit qu'il va y avoir un certain nombre de conditions hein, dans lesquelles on peut utiliser les drones. Simplement quand on lit la liste des conditions, oui, c'est à peu près tout. On reviendra, Jean-Gabriel. Je vous interromps, Jean-Gabriel Ganassian. On reviendra sur les drones vraiment tout à l'heure. Il y a deux choses dans ce que vous avez dit qui m'intéressent et sur lesquelles j'aimerais vous demander quelques précisions. Tout d'abord, vous dites la transmission des données à des compagnies privées. Pourquoi à des compagnies privées? Ça veut dire que ce ne sont pas les forces de l'ordre ou les pouvoirs publics qui vont traiter ces données-là. Et deuxièmement, vous évoquez le cas de la Chine en disant aujourd'hui, finalement, la reconnaissance faciale dans la rue, de la foule, c'est difficile, ça demande une technologie un peu pointue, c'est encore pas tout à fait au point. Pourtant, je sais pas, les auditrices, les auditeurs ont certainement tous vu à un moment donné passer ces images qui sont des images de traitement de l'information de foule, notamment en Chine, où on a l'impression que tous les visages sont à peu près identifiés, ou en tout cas une très grande partie, où on a l'impression que là-bas, et comme vous venez de le décrire d'ailleurs dans votre exemple avec le crédit social, c'est une technologie qui est tout à fait au point. Oui, dans le cas de la Chine, effectivement, dans une ville particulière, hein, on peut prendre un certain nombre d'images à condition d'avoir des bases de données. Parce que ce qu'on fait avec la reconnaissance faciale, c'est que hein, on enregistre un certain nombre d'images, on entraîne des réseaux de neurones pour reconnaître ces images, et puis ensuite, si on prend une nouvelle image, on pourra dire ben, ce visage correspond à telle ou telle personne. Donc ça marche effectivement, mais à condition d'avoir déjà enregistré les images. Sinon, vous ne pouvez pas reconnaître les personnes. Et deuxième chose, il y a un certain nombre d'erreurs, hein, d'après ce que je sais, en Chine, hein, ces systèmes ne sont pas exempts de défauts, hein, il peut y avoir des confusions qui peuvent exister. Hein. Donc certes, hein, ce sont des techniques extrêmement puissantes, il faut bien sûr être très prudent quant à leur utilisation, ça peut avoir des effets extrêmement néfastes, mais il ne faut pas croire hein, que ça fonctionne dès à présent de façon parfaite. On pourrait imaginer, bien sûr, hein, mais ça veut dire quand même que chacun d'entre nous ait donné ses images. Alors, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors ensuite, la question des sociétés qui vont traiter ces données, hein, ça c'est une question ouverte hein, pour l'instant. Une question importante de savoir qui va traiter toutes ces données biométriques et d'entre quelles mains elles vont tomber. C'est quand même pas une question accessoire, me semble-t-il. C'est absolument pas accessoire, en fait. Non, mais ça fait partie des questions qu'il faut vraiment poser, je crois, aujourd'hui, parce que le texte me semble pas totalement transparent sur ce point-là, hein. Mais c'est vrai que je ne suis pas juriste, hein. Peut-être qu'Olivier Tesquet a plus de lumière là-dessus, mais vous voyez, la protection de la vie privée, hein, passe par un certain nombre de questionnements sur les informations qui sont prises, hein, sur la durée de stockage de ces informations, mais sur aussi le type d'utilisation et les personnes qui vont avoir accès à ces données. Ce sont toutes les questions qu'il faut poser. Olivier Tesquet, cette question, sur la question évidemment du traitement des données, je pense qu'on y reviendra après. Je vais vous reposer la question que je posais à Jean-Gabriel Ganassian tout de même, Olivier Tesquet, qui est une question de bon sens, mais qui me semble être une question que l'on est en droit de se poser. C'est de se dire finalement, moi, citoyen lambda, qui n'ai a priori rien à me reprocher, pourquoi est-ce que je devrais craindre ces technologies, puisque par définition, je n'ai rien à me reprocher? Alors, pour expliquer ce qu'est la reconnaissance faciale, je me fie toujours à une définition qu'en a été donnée par un colonel de gendarmerie dans une note du centre de recherche de l'école de la gendarmerie nationale et qui explique que la reconnaissance faciale, c'est le contrôle d'identité permanent et général. Et je crois que c'est une définition à la fois assez effrayante mais assez exacte de ce que permet la reconnaissance faciale. Et je voudrais quand même rappeler qu'on vit dans un pays, la France, où jusqu'au siècle dernier, l'idée même de devoir justifier de de son identité dans l'espace public était hors de propos. C'est-à-dire que jusqu'à l'invention de la carte d'identité, qui longtemps a été réservée aux pauvres et aux étrangers, hein, parce que pendant, on va dire, jusqu'au début du siècle dernier, c'était les seuls qui étaient sommés de justifier leur identité partout où ils allaient. Et les criminels aussi, je crois. Et les criminels, absolument. C'est les criminels récidivistes, les pauvres avec le livret ouvrier, les nomades avec le carnet anthropométrique, et ce genre de choses. On voit cette espèce de saut quantique qu'on est en train de faire dans un laps de temps qui est, encore une fois, quand même, je trouve, très réduit. En tout cas, il y a une accélération assez nette qui, demain, nous projetterait dans un monde où on serait soumis à cet œil un peu scrutateur permanent et qui équivaudrait à ce fameux contrôle d'identité permanent et général. Je voudrais juste peut-être rebondir sur l'autre point qu'on soulevait sur la question de qui traite ces informations. On va y revenir, Olivier Desquet, je vous interromps immédiatement. On va revenir sur cette question de qui traite les données et surtout, pas seulement savoir s'il s'agit des pouvoirs publics ou des sociétés privées, mais de savoir si ces données sont traitées par des personnes humaines et si à un moment donné, quand on commence à avoir bien trop de données, on est obligé de déléguer à de l'intelligence artificielle qui va elle-même traiter ces données avec d'autres questions. Mais on va en parler dans quelques minutes dans la deuxième partie de l'émission. Ce n'est pas un inédit des Smiths, contrairement aux apparences. C'est Music Kane, The World Isn't Fast Enough, un groupe français, puisque comme tous les jours, nous poursuivons notre soutien à la scène indépendante musicale française par l'intermédiaire de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons tout au long de cette heure de la loi sur la sécurité globale et plus précisément des parties de cette loi qui conduisent à la surveillance, à la technosurveillance de la population via, on l'a entendu, les caméras embarquées, les drones, la reconnaissance faciale. Nous en parlons avec Olivier Tesquet, qui est journaliste spécialiste des questions numériques à Télérama, auteur de À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance aux éditions Premier Parallèle, et Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université et président du comité d'éthique du CNRS. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Lorraine Baudouin, bonjour. Bonjour. Vous êtes en quatrième année de thèse à l'Université de Lille. Vous travaillez sur les droits fondamentaux à l'aune des drones de sécurité publique. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Aéronefs sans pilote à bord, ou drones, ceux-ci entendent bien révolutionner notre quotidien. À la fois performant et contrôlé à distance, Ils pourront tout savoir sur tout, ou presque. L'objet de mon étude porte sur les drones à l'usage des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers, ou drones de sécurité publique. Ils sont équipés d'une caméra pouvant filmer la rue, à l'instar des caméras de surveillance. Ils peuvent également comporter d'autres capteurs, leur permettant de collecter de nombreuses données, sur vous ou sur leur environnement. Leur objectif consiste à assister les agents dans leur mission et surpasser par leur mobilité et leur avancée technologique les résultats des caméras fixes, ou systèmes de vidéoprotection, entre guillemets, classiques. Le suffixe « protection » n'est pas utilisé par hasard. Il s'agit bien de protéger les agents et les individus, mais c'est aussi un bon moyen de dissimuler les intentions de surveillance et d'intrusion dans la vie privée. Ce nouvel outil participe donc à améliorer la sécurité. Mais cet effet n'est pas sans risque pour nos droits et nos libertés. De fait, ces drones peuvent porter atteinte au droit à la vie privée, au droit de manifester, ou encore au droit à la sûreté, qui par ailleurs est souvent confondu avec la sécurité, mais qui en vérité consiste à ne pas être arrêté ou détenu de manière arbitraire. Dernièrement, vous avez sûrement entendu parler du texte sur la sécurité globale et de son très controversé article 24. Mais savez-vous qu'il entend également encadrer l'usage des drones de sécurité publique sous l'article 22 intitulé « Caméras aéroportées ». L'encadrement de ces drones était très attendu, mais cet article nous laisse un peu sur notre faim. D'une part, parce qu'il reproduit à l'identique les nombreux cas d'usage des caméras fixes, au lieu de les adapter au contexte et aux capacités des drones. Et d'autre part, parce qu'il demeure assez flou sur le cas leur permettant de contourner l'obligation d'information du public de leur utilisation. Pourtant, on peut craindre les risques présentés par les drones, notamment concernant les données à caractère personnel. Un autre enjeu que peuvent présenter les drones, et non des moindres, consiste à confier certaines de ces tâches à des algorithmes, décisions basées sur des suites d'opérations mathématiques. Or, ces algorithmes ne sont pas infaillibles et peuvent commettre des erreurs, comme cela a pu se produire avec la reconnaissance faciale. Il serait donc possible qu'une personne soit identifiée à tort comme étant l'auteur d'une infraction, par un drone équipé d'un système de reconnaissance faciale. Projetons-nous alors dans un futur où ces drones pourraient ne pas se contenter de filmer, mais également d'analyser par des algorithmes la situation en temps réel afin de détecter les agissements d'individus. On parle alors d'algorithmes de détection comportementale. Les drones participent ainsi à l'augmentation de la surveillance, allant vers davantage de sécurité, souvent au détriment de nos libertés. J'en viens donc à l'objet de mes recherches, qui consiste à déterminer en quoi les drones de sécurité publique peuvent porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux, et notamment au droit à la sûreté. Il s'agira aussi de voir en quoi ils menacent l'équilibre entre le maintien de l'ordre public et les libertés. En tous les cas, ces drones mériteraient eux-mêmes d'être savamment surveillés par les juges, à l'image du Conseil d'État, et devront respecter un principe de proportionnalité pour éviter toute forme de surveillance généralisée, ainsi que la prise de décision arbitraire. Mes recherches viseront donc également à préciser ces garanties. Alors, ne prenez pas vos droits et vos libertés pour acquis et gardez un œil critique sur le ciel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lorraine Baudouin, pour cette présentation. C'est ce que nous allons essayer de faire, le regard critique, en tout cas, sur ce volet technologique de la loi sécurité globale. Une réaction à ces travaux, peut-être, Olivier Tesquet ? Je crois que ça pose assez bien les enjeux, parce que j'entendais notamment la question de l'information du public, du cadre légal. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit un peu dans le propos liminaire, mais les drones, ils sont déjà utilisés par les forces de l'ordre. On a eu un député récemment qui a rendu un rapport sur les équipements des services de police et de gendarmerie, et on sait très exactement combien la police et la gendarmerie possèdent de ces engins aéroportés. Combien ? Et aujourd'hui, bon, il y a à peu près, alors si mes souvenirs sont exacts, alors je vous dis ça un peu au débotté, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il y a environ 300 appareils de chaque côté. Oui, c'est ça. Moi, j'avais 650 en tout. Et je 650 drones. Un appel d'offres pour acquérir 650 drones supplémentaires. Ça, c'est au mois d'avril. Voilà, ce que le ministère de l'Intérieur a publié dans l'appel d'offres. Et apparemment, entre juillet 2019 et novembre 2020, le nombre de drones policiers a été multiplié par 7. Mais j'ai pas les chiffres exacts. Oui, ça grandit très très vite, et c'est l'un des éléments qui est très important quand on parle des drones. Et aujourd'hui, il faut savoir que la situation dans laquelle on est, le Conseil d'État au mois de mai a dit à la préfecture de police, après avoir été saisi par un certain nombre d'associations, a interdit à la préfecture de police d'utiliser, donc la préfecture de police de Paris, d'utiliser des drones pour contrôler le confinement. Alors qu'on avait eu des démonstrations vidéo de Didier Lallement en train de nous expliquer que voilà, ces engins dans le ciel allaient pouvoir permettre de faire respecter les mesures de confinement. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? C'est que malgré cette interdiction du Conseil d'État dans ce cadre précis du confinement, eh bien aujourd'hui, la préfecture de police de Paris continue d'utiliser de manière routinière des drones pour surveiller par exemple les manifestations. On a vu des drones dans le ciel lors du rassemblement de la première marche des libertés sur la place du Trocadéro il y a 2 semaines. On continue d'en voir assez régulièrement. Et Gérald Darmanin le dit lui-même, le cadre légal pour utiliser ces drones, il n'est pas stabilisé. Donc on a des engins qui, pour l'instant, sont utilisés, j'ai envie de dire, presque au mépris de la loi. Jean-Gabriel Ganassia, un mot sur les travaux de Lorraine Baudouin qui viennent de nous être présentés. Oui, je remercie de nous avertir des dangers effectivement que peuvent constituer ces nouveaux dispositifs de captation d'informations. Elle a raison, mais je crois que ce qui est inquiétant, c'est plus dans la loi telle qu'elle est formulée aujourd'hui, qui est prévue en principe pour encadrer l'utilisation de ces drones, le fait qu'elle soit très large. Alors d'abord, bon, on nous dit que ça permet de regarder les manifestations, mais ça, c'est pas nouveau. On avait déjà des hélicoptères, ça pose pas de problème. Il me semble que ce qui est plus problématique dans la loi, c'est qu'elle est très vague et très vaste. C'est-à-dire qu'on nous dit effectivement qu'il s'agit d'assurer la sécurité des rassemblements de personnes, prévention d'actes de terrorisme, mais surtout le constat d'infraction et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves. Et ça, vous voyez, c'est extrêmement vague parce que ça couvre absolument tout. Mais il y a des utilisations des drones qui, elles, ne devraient pas être condamnées. Comme si, par exemple Pour surveiller les problèmes écologiques, les feux de forêt. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'utilisations pour la sécurité civile des drones qui, à mon sens, sont tout à fait utiles. Surveiller aussi les installations industrielles, par exemple, protéger les bâtiments publics, etc. Donc tout ça, à mon sens, se justifie. Je crois qu'il faut encadrer de façon très très précise ce que l'on va faire avec ces drones. Et dans ce qu'a dit Lorraine Baudouin, il y a quelque chose, je crois, qui est important, qui porte sur le traitement des images qui sont prises par ces drones. Elle craint effectivement que l'on puisse utiliser des techniques de reconnaissance faciale à partir de cela. Alors, vous voyez, on rentre dans un cadre qui est différent, qui n'est pas abordé dans ce texte de loi, ce qui est peut-être dommage d'ailleurs, mais qui me semble aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, il s'agit vraiment de prise d'image. Et ce que je peux regretter dans le texte, c'est que effectivement, cet encadrement qui était la finalité de la loi reste trop flou, trop vague, trop large. Ce qui fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, si on en reste à ce texte de loi, les drones seront vraiment partout. Et on n'aura plus aucune façon de se mettre à l'abri de cette prise d'information. Peut-être pour revenir sur ce que vous disiez avant la coupure musicale, Olivier Tesquet, effectivement sur cette question du traitement de ces données, que ce soit des données d'ailleurs qui proviennent des drones, que ce soit des données qui proviennent des caméras de surveillance, des caméras piétons, au bout d'un moment on sait que, alors il y a la question déjà de savoir si ces données sont traitées par des agents publics ou des sociétés privées, ce qui est une première question, et il y a une deuxième question qui est celle de l'automatisation de ce traitement de données, c'est de dire qu'au bout d'un moment on arrive à avoir tellement de données vidéo qu'il devient littéralement impossible que ces données ne soient traitées que par des opérateurs humains, et donc on va déléguer à de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose, et quels sont les écueils de ces deux cas d'école, traitement privé et automatisation des données? Alors effectivement, je crois que le premier point qu'il faut noter, c'est que dans ce type d'utilisation, et notamment pour ce qui est de l'utilisation policière de technologie, on a une délégation croissante d'un pouvoir régalien à des entreprises privées. Ces entreprises privées qui, bien souvent, sont d'ailleurs chargées de former des personnels ou d'intervenir elles-mêmes sur un certain nombre d'informations avec, évidemment, des dérapages possibles. Alors, moi, me vient en tête spontanément un exemple qui est un exemple américain, mais la plupart de ces entreprises ayant aussi quand même des capacités d'action à l'étranger, on n'est pas complètement immunisé. C'est une société américaine qui s'appelle Clearview, et cette société... avec trois bouts de ficelle, et quand je dis trois bouts de ficelle, c'est quelques millions d'euros, ce qui, avec l'économie de la Silicon Valley, est assez peu de choses finalement, a réussi à mettre au point une banque d'images, une base de données de 3 milliards de visages aspirés sur les réseaux sociaux, vendus à des unités de police dans différents États aux États-Unis, vendus à différentes unités de police à l'étranger aussi, et on découvre, ce faisant, que les salariés de cette entreprise peuvent eux-mêmes avoir accès à un certain nombre d'images, d'informations. Donc effectivement, on va se poser la question de l'accès aux informations, de la durée de conservation de ces informations, parce que on nous explique qu'il y a une durée très bornée dans le temps. Si on regarde l'histoire récente des fichiers de police en France, les fichiers de police en France, ils sont notoirement truffés d'erreurs et ils sont fourrés d'informations qui ne sont plus censées y figurer mais qui n'ont pas été retirées. Donc on peut aussi raisonnablement penser qu'il y a un risque à créer des bases de données qui vont comme ça venir s'accumuler et nous faire des strates assez vertigineuses d'informations qui sont ensuite susceptibles de nous porter préjudice. Et ensuite se pose évidemment le deuxième point que vous soulevez et que j'ai oublié à mesure que c'était le traitement automatique, le traitement par de l'intelligence artificielle. Et sur le traitement automatique, aujourd'hui vous avez par exemple la mairie de Marseille. La mairie de Marseille depuis 2011 a déployé un très vaste réseau de vidéosurveillance à l'intérieur de la ville. Bon, le sud-est de la France, c'est un assez bon exemple de l'irruption assez ubiquitaire, on va dire, de ce genre de technologie. On en voit beaucoup à Nice particulièrement, à Marseille. Oui. Voilà, on a des élus locaux qui sont très sensibles à ces questions-là, qui regardent notamment beaucoup ce qui se fait en Israël, qui est un pays où il y a énormément de technologies de surveillance, qui est un peu un des nœuds, on va dire, de cette industrie-là. Et donc à Marseille, en équipant la ville comme ça de caméras de surveillance, eh bien ils ont décidé sous la mandature précédente, donc quand c'était encore Jean-Claude Gaudin, d'automatiser ces caméras. Alors en ne recourant pas à la reconnaissance faciale, parce que sur la reconnaissance faciale, la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, est intervenue à plusieurs reprises pour interdire un certain nombre d'expérimentations. Donc les élus, devant cette espèce d'insécurité, sont un peu prudents, mais on choisit cette espèce de catégorie un peu intermédiaire qui va permettre de détecter des attroupements, de détecter des comportements suspects, des intrusions périmétriques, comme on dit, etc. Et l'argument que me donnait l'adjointe à la sécurité de Jean-Claude Gaudin au moment où j'ai découvert l'irruption de cette technologie, qui en plus s'est fait sans concertation avec le public, de manière très discrétionnaire, ce qui évidemment pose là aussi question, parce qu'il devrait y avoir un débat sur ce sujet-là, à l'intérieur d'un territoire, je pense, dans un espace urbain. Et elle me disait, en fait, on a acheté donc ces caméras, et donc, à un moment, en fait, on est saturé d'images, on a besoin d'automatiser le traitement des images qui sont récoltées par ces caméras. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on délègue à une machine, partiellement ou totalement, la capacité ou la responsabilité d'isoler, de sélectionner un certain nombre d'images. Ce qui présente, à mon avis, deux risques majeurs, c'est des risques cumulatifs, j'ai envie de dire. C'est car le premier risque est un risque d'erreur, d'appréciation. On l'a vu avec la reconnaissance faciale qui, jusqu'à présent, est quand même une technologie notoirement inefficace, qui a des biais raciaux, c'est-à-dire qu'elle reconnaît très très mal les visages noirs, par exemple, et donc les personnes de couleur qui sont déjà largement discriminées par les contrôles de police le sont encore un peu plus par la technologie. Donc on risque d'accroître ces effets très négatifs. Et puis en automatisant, d'une certaine façon, on renverse aussi la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on entre dans une présomption de culpabilité, et il appartient à tout un chacun qui aurait été de manière injuste, pointé du doigt par une technologie, de prouver son innocence. Et donc, là, c'est un vrai, alors je vais pas dire un changement civilisationnel pour ne pas être grandiloquent, mais en tout cas, oui. C'est un vrai changement de société qui devrait nous intéresser collectivement. Jean-Gabriel Ganassien, un mot peut-être à partir, justement, à propos de cette notion du traitement automatisé, du moment où il faut bien comprendre que lorsqu'on généralise ces technologies, une fois de plus, le traitement automatisé coule quasiment de source parce que on se retrouve avec trop de données à traiter que ces données-là ne peuvent plus être traitées par des agents humains. Donc ça veut dire que si on multiplie les caméras de surveillance, les drones, etc., on arrive de facto à du traitement automatisé par de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Bien sûr qu'on arrive à du traitement automatisé, mais comme ça a été dit plusieurs fois ici, et je crois qu'il faut le rappeler, aujourd'hui, les technologies de reconnaissance faciale font encore énormément d'erreurs. Et donc, bien sûr, on ne peut pas s'y fier complètement. Alors, ça pose des problèmes, mais ça montre aussi les limites de leur utilisation. Je crois qu'il faut ajouter à cela que ces technologies de surveillance, je pense qu'il faut, il faut bien prendre la surveillance au sens large, c'est-à-dire de captation d'informations, peuvent aider en même temps dans des procédures à préciser les conditions d'une action. Donc le fait qu'il y ait des films à tel et tel endroit, ça permet aussi de montrer que le policier s'est mal comporté ou au contraire, qu'il était tout à fait dans son bon droit. Donc il n'y a pas que des aspects négatifs. Je crois que ce qui est important derrière tout ça, c'est un enjeu de pouvoir. Et vous savez, il y a une dizaine d'années, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Voir et pouvoir, qui nous surveille ?» C'est parce qu'effectivement, derrière la vue, derrière la captation d'images, il y a directement des enjeux de pouvoir. Alors, avec la multiplication des dispositifs, on a deux mouvements concurrents. Un qui fait que toute la population est capable de prendre des images qui n'existaient pas auparavant et elle est capable de les diffuser. C'est ce que j'appelais la surveillance. Et puis, un autre enjeu qui est un enjeu de centralisation d'informations, c'est-à-dire qu'effectivement l'État est capable de prendre des données et de les utiliser. Puis enfin, il y a de nouveaux acteurs, comme par exemple les GAFA, qui eux-mêmes prennent des éléments d'information sur nous. Donc, ce que l'on voit à travers les questions qui se posent aujourd'hui, c'est la reconfiguration du paysage politique dans le monde de demain. Et je crois qu'il est important d'être extrêmement attentif à ce qui est en train de se tramer. La question de la possession de ces images, mais ensuite la question de la persistance de ces images. Et ça, on n'en parle pas tellement dans la loi. C'est-à-dire que ces films qui ont été pris, même si on ne fait pas de la reconnaissance automatique de visage aujourd'hui, peut-être qu'ils seront stockés et que dans 5 ans, quelqu'un pourra lui dire ben voilà, vous étiez à tel endroit, à tel moment, et donc il faut s'assurer qu'il y a effectivement une durée de conservation qui soit en rapport avec les utilisations qui doivent en être faites. Et ce sont toutes les questions qu'il faut absolument poser à ce type de texte de loi. Un mot de conclusion, Olivier Tesquet, peut-être pour dire en deux mots que s'il y a bien un camp dans lequel, ou en tout cas des gens auprès desquels ces lois font l'unanimité, ce sont les institutions internationales, que ce soit la Commission européenne ou le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui trouvent ces lois extrêmement dangereuses et qui les condamnent. Moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais vous entendre, mais peut-être très très rapidement, c'est sur le fait que quand on regarde, ce qui me surprend énormément, c'est que il n'y a quasiment aucune évaluation de l'efficacité de ces technologies sur le maintien de l'ordre. On ne trouve pas de papier, on ne trouve pas d'études. Ou très peu. C'est effectivement ce qui est assez frappant. Alors moi, c'est ce que je commence à nommer l'état d'urgence technologique pour rester dans un univers qu'on commence malheureusement à ne connaître que trop bien, parce qu'entre l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire, ça devient un peu l'environnement dans lequel on habite quotidiennement. Et cet état d'urgence technologique, l'un de ses symptômes, j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, on déploie à marche forcée et dans l'urgence, littéralement dans l'urgence, des technologies et des dispositifs en s'intéressant finalement assez peu à leur efficacité. On l'a déjà vu avec la vidéosurveillance il y a une dizaine ou une quinzaine d'années quand on a équipé massivement des villes de toute taille. Bon, il y a tout un tas de travaux assez sérieux qui montrent que ça fait pas du tout baisser la criminalité, malgré ce que se disent certains élus. Demain, est-ce que la reconnaissance faciale, est-ce que les drones vont aider à remplir un certain nombre de finalités? Je pense que ces questions-là, effectivement, aujourd'hui, sont très, très sous-évaluées. Donc ça veut dire que ce déploiement s'intéresse peut-être à d'autres finalités et effectivement, on revient à des enjeux de pouvoir. Mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Tesquet. On peut vous lire dans À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, cette édition Premier Parallèle. Je crois qu'il y a un livre également que vous avez terminé qui sort en février. Absolument, et qui s'appellera L'état d'urgence technologique. Et ben voilà, parfait. Merci beaucoup également Jean-Gabriel Deganassia d'être venu nous parler de cet état d'urgence technologique. Je vous rappelle que comme tous les mercredis, vous pouvez retrouver aujourd'hui les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast avec cette question. Eh bien, Jeff Bezos, Bill Gates sont-ils les maîtres du monde? Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Natacha Triou, Eve Etienne, François Malordi, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Mina Guetzin-Vulfran, Olivier Bétard à la réalisation, Jérémy Kaufmann à la technique. Demain, émission révision. On refait un point complet pour les scolaires, mais pas que. Pour les autres aussi, sur l'hérédité. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'ont à voir les petits pois là-dedans? Et pourquoi ce bébé ressemble plus à sa mère qu'à son père? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.